problème. Le monde part en vrai. Trop de haine dans ce putain de monde. Où va le monde? Motherfuck. Tu es le maître de ton royaume. Le nègre à l'état des souris de fantômes. À ton insu, tu portes le manteau de la mort. Ton esprit reste emprisonné dans l'ombre. C'est une stratégie pour les stratèges qui se protègent de cette pénurie. Pourquoi ton misère dans cette société? Pourquoi beaucoup de meurs qu'on est tout frappé des torts n'ont jamais été jugés? C'est le désarroi qui se déclenche, déclin notre communauté. T'as cru anéantir en empire. On est encore une nouvelle génération trop pire. C'est pour cela qu'on compte vie par des arrondissements. On n'a point l'esprit de la délinquance. T'as les 11e commandement. Les mômes qui traînent sous les bâtiments. Les flaques de sang qui coulent sur le ciment. Bienvenue au pays de la neige. Où beaucoup tant d'autres traversent ces obstacles par la nage. Trop de pèlerinage dans nos ghettos. T'arraches le bras pour des histoires de braquage. Je veux manger sur le gâteau. Le monde part en vie. Comment écarter ses envies? On vit avec une camisole pour toute la vie. Comment faire pour réussir dans ce monde? Enfin on les écrit victoire avant le cri de la fin. Ce monde part en vie. Comment écarter ses envies? On vit avec une camisole. Jusqu'au bout de mes lèvres. Lorsque je vois beaucoup de terre banale comme une danse monte, c'est pour cela que je me lève. Trop de criminalité dans nos propos. Moi je suis pas là que pour te parler de sexe et de fric et de ghetto. Essaie un peu de comprendre ce qui se passe. Ça me déprime, ça dilate ma tranche jusqu'en envahir ma face. Tous les jours faut conquérir le diable et ses sauces. Subitement j'ai l'impression d'être trahi au bord de la fosse. Alors j'écris ces textes, j'ai les larmes qui coulent. Je perds mes sens comme un chien qui recoule. Je recule, prenez pas comme encule comme Carlito de Napoli. Je suis qu'un jeune africain de la métropole qui prend le métro avec une bouteille d'alcool. Trop souvent sous-estimé. Ouais c'est vrai qu'on a tous envie de tâter. Un jour des audits d'été. Trop souvent endetté. Rêve de l'oseille pour l'été. Subitement je balance le refrain par une saleté. Le monde part en vie. Comment écarter ses envies? On vit avec une camisole pour toute la vie. Comment faire pour réussir dans ce monde? Enfin on les écrit victoire avant le cri de la fin. Ce monde part en vie. Comment écarter ses envies? On vit avec une camisole pour toute la vie. Comment faire pour réussir dans ce monde? Enfin on les écrit victoire avant le cri de la fin. Peut-être t'as fait trop de malfrats. Peut-être t'as été inspiré par les films de la mafia. T'as des rêves roses comme Montana. Tu mènes une vie pathétique, incrédule. Mais tu traînes dans le désarroi, tu n'es que nul. Vu que t'as trop souvent galéré sur le pavé. C'est comme se prostituer en GAV. Ton corps exporte à la frontière, méprisant toutes tes qualités. Tu te qualifies comme un homme mature. Dépasser ta maturité, tu deviens immature. Je n'ai que les choses de la vie, les choses de la nature. Fais ça nos vies, on vit influencé par les enzymes très dangereuses. Te range de la tête aux pieds. Toi qui croyais que t'étais le pilier sur cette terre. Je n'ai fait confiance à personne. Car les obstacles de la vie ont fait des moines qui la sonnent. Nous voir qu'en effet c'est ce qu'ils veulent. Mine. On se laissera pas faire, on lâchera pas l'affaire. Le monde part en vie. Comment écarter ses envies? On vit avec une camisole pour toute la vie. Comment faire pour réussir dans ce monde? Enfin on les écrit victoire avant le cri de la fin. Ce monde part en vie. Comment écarter ses envies? On vit avec une camisole pour toute la vie. Comment faire pour réussir dans ce monde? Enfin on les écrit victoire avant le cri de la fin. Le monde part en vie. Comment écarter ses envies? On vit avec une camisole. Va dire à Chirac, chez nous c'est la merde. Tout ça, on bat les couilles, sous allocation, je sais pas quoi, sous asdic, tout ça. On veut tout, on veut l'or, nous, c'est. On veut sortir de ce putain de trou, de ce putain de ghetto. Motherfuck, tout ça.